musée et qui vont faire. Je suis en vacances alors je suis en mode chelou. Vas-y Benji, t'es dans la tonalité là. Ça change du jam précédent où il n'y avait qu'une seule tonalité là. Ah, c'est la gamme mineure harmonique qu'il faut jouer là. Quoi ? C'est la gamme mineure harmonique qu'il faut jouer et apparemment tu l'as fait à l'oreille là. foiré. sur le guest. Qui danse avec les vieilles. Bon, j'ai le solo, mais j'ai pas les accords. Trop nul au synthé. Thank you. formidable, c'est formidable. Thank you. avec Bilos. C'était trop bon. Putain. Un petit peu de funk, ça me fait du bien. Un peu de batterie, non ? Thank you. Thank you.